Je suis à elle, Aigashikazu no sama, du Goku Five, c'est la reine, on écrasera Koiko. Seven. C'est par hasard que j'ai connu son groupe de filles et quand je l'ai vu, j'ai décidé d'y venir. Sonomi, c'est mon nom, tu t'en souviens pas? Oui, je sais parce que Gomene, je suis passé tout après l'animé, car les réalisateurs, ils ont voulu tout arrêter. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y avait trop de hentai, mais ce n'est pas grave, oui. Cette fille-là me rendait dingue comme une limace dans une salade. Une dominatrice au grand front et aux yeux fins. Je suis à elle et je lui appartiens. Je suis à elle, Aigashikazu no sama, du Goku Fai, c'est la reine. On écrasera les koi koi. C'est une princesse, une vraie Ojo-sama, la chef du Goku Fai. On écrasera les Koi Koi et aussi les France 5. Un beau jour, j'ai remarqué par inadvertance la culotte qu'elle portait sous sa robe. Rayé rose avec du blanc et un lapin, et c'était marqué Pony. Elle l'a remarqué, elle m'a passé un savon et les filles m'ont tout effroqué en me retrouvant à poil. J'eus la honte de ma life et tout ce que j'ai pu dire c'est alligator. Il dit mais ça m'a, mais c'est pas grave, ça valait le coup. J'ai vu ce que je rêvais dans le noir, car je l'aime. Je suis amoureuse de ma chef et je suis prête à crever rien que pour elle. Je suis à elle, Aigashikazu no sama, du Goku Fai, c'est la reine. On écrasera les koi koi. C'est une princesse, oui, une vraie Ojo sama, la chef du Goku Fai. On écrasera les koi koi. Seven. Si seulement elle voyait mon amour que je porte pour elle, que je porte pour elle. Je lui préparais son dessert préféré. Malheureusement, il était un petit peu trop grillé. Et puis aussi ma Game Boy, avec tous mes Pokémon rares et ma collecte de bonbonnes, à ma carte du parti pirate et un vibro, des places pour le concert de Yoshi Kuzo. Mais tout ça, ça n'a fait qu'augmenter son ego. Je suis à elle, Aigashikazu no sama, du Goku Fai, c'est la reine. On écrasera les koi koi. C'est une princesse, une vraie Ojo-sama, la chef du Goku Five. On écrasera les koi-koi et un jour peut-être qu'elle me remarquera. Big Mac. Thank you. Good night. Yeah.